Même quand le malheur arrive, il contrôle tout. En finalité, il arrive toujours à faire ce qu'il a à faire avec nous. C'est un chant facile, nous allons chanter ensemble. Nous allons danser, il n'y a pas un problème. Mais je veux que pendant que je chante, pendant que nous chantons, tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi. Parce qu'il est tellement fidèle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a rencontré la fidélité de Dieu, il peut acclamer pour Jésus. Regarde d'où tu es venu, de quelle famille tu es venu, comment tu as étudié, tu t'es marié, tu as des enfants, tu travailles. Non, c'est une grâce de Dieu, c'est sa fidélité. C'est facile. Il est fidèle, Jésus est fidèle. Tu le verras. Holy praise, Mama Gloria. Oui, Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut s'incliner en prière, lui dire, Seigneur, tu es fidèle. Ce que tu dis, tu finis toujours par l'accomplir. Ce que tu promets, tu finis toujours par le réaliser. C'est vrai, j'ai vu. Hier, j'ai vu. Aujourd'hui, j'ai vu. Demain, je vais témoigner. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Sois reconnaissant. Dis-lui, Seigneur, tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Nous savons que tu es fidèle. Personne ne pouvait s'imaginer la place que tu as pris pour nous. Tu as accepté de te faire pécher. Accepté de te faire pécheur à cause de mes péchés. Tu t'es livré jusqu'à aller monter jusqu'à la croix. Tu as accepté l'humiliation. Ton amour infini ne cesse de se manifester. Je suis reconnaissant ce soir avec toi. Sois béni, Jéhovah. Sois béni, Jéhovah. incomparable à Jésus. Est-ce qu'on peut une fois de plus l'acclamer? Nous allons louer le Seigneur pendant quelques minutes avant d'écouter sa parole. On peut encore célébrer le Seigneur par des cris de joie. On peut célébrer le Seigneur par des acclamations. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? Bikele kele, bikele kele, bikele kele, bikele kele. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement, mon Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Mon Jésus, il est le même, il est le même, oh, il n'a pas changé. Pépa, pépa, pépa, pépa, pépa, pépa, pépa, pépa, pépa, pépa, pépa, pépa, pépa, pépa, pépa, pépa, pépa, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Mon Jésus, il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Mon Jésus, il est le même. Il est l'unique. Oh, il n'a pas changé. Et moi, je veux chanter pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, hey. Oh, moi, je veux crier pour le roi de rois. Hey, dans ma vie de tous les jours. Hey, sa victoire m'appartient. Désormais, hey. Et moi, je vais sauter pour Jésus. Sale la zambesa e sengo boninga nanga. yembe la nzambe sa esengo boni nganga o talande ngena koma salamu tui ah tui bina bia ok bina bina bina bia bina bia chesa chesa chesa bia chesa bia chesa chesa chesa bia chesa bia bina bina bina bia bina bia bina bina bina bia bina bia bina bina bina bia ah kele kele kele kele oye kele kele kele kele cherche un voisin cherche un voisin cherche un voisin. Pesa mbote, pesa ye mbote na kombo la Yesu. Aye kele kele, kele kele, ye kele kele, kele kele. Aye kele kele, kele kele, aye kele kele, kele lele. Aye kele kele, kele kele le. Aye kele kele, kele kele le. Uwe muhunda woye. Muluna woye, we muluna woye, muluna woye. Abina bia, bina bia, bina bia, bina. Abina bia, bina. Kaga boyo. Bona Yesu, bona Yesu. Sale l'ensemble, ça est c'est ce qui te colingana, ya solo, alléluia. Ce qui te colingana, ya solo, alléluia. Ah, kembo, kembo. Kolingana ya solo, alleluia. Soki to kolingana ya kori bia kori, alleluia. Oh kembo kembo, kembo kembo kembo kembo kembo kunana lola. Kembo kembo kembo kunana siye kembo kembo kembo na suspekonde kembo kembo haleluya kembo haleluya kembo haleluya kembo haleluya. Kokutana lokola nanyo Yesu nakokende kokutana Yesu lokola nanyo. So ki to kolingana ya solo, alleluia. Ah, kembo kembo. Cherche une bonne position. Cherche une bonne position. Binana yo. Ok. Bona Yesu. Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Bouge à toi, bouge à toi. On y va. Bon arrière, sous le. Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Kembo, kembo, kembo. Uwa muchule le. Salabo. Ah, voilà Jésus. On y va. Pour Jésus. J'aimerais chanter avec l'assemblée, écoute-moi. Zamba ponio, o salelae, nanzoto na mote mana yo mobimba, zamba poni. Oh, zambe nangae, zamba ponio, o salelae, nanzoto na mote mana yo mobimba, zamba poni. Tu vas maintenant te citer toi-même. Écoute-moi, hey. Zamba poninga na salelae, nanzoto na mote mananga mobimba, zamba poni. Oh, zamba poni, oh. Zamba poninga na salelae, nanzoto na mote mananga mobimba, zamba poni. Oh, zambe nanga, eh. Zamba poni, oh. Salelae, nanzoto na mananga mobimba, zamba poni. Oh, aponi, oh, zamba poni, oh, salelae, nanzoto na mote mananga mobimba, zamba poni. Écoute, sepelela pakumona mulopwe, alléluia, alléluia. Tu me bonsoir, alléluia. mon amour le peut. Alléluia. Alléluia. Oh, tu m'es bon sauvé. Tu m'es bon sauvé. Tu lui dis qu'à ta paix. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, c'est belle là. Pas comme mon amour le peut. Alléluia. Alléluia. Oh, tu m'es bon sauvé. Tu m'es bon sauvé. Tu lui dis qu'à ta paix. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Maluna, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, qu'on peut acclamer pour le roi de gloire. Pour ceux-là qui n'entendent pas la langue Kiluba, on nous disait Iyai Bonso, venez tous ensemble, nous allons louer, célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut le célébrer encore avec des acclamations? Pendant ce temps, nous invitons papa. Pendant que papa s'avance, nous applaudissons une fois de plus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur correctement? Oh, c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. C'est merveilleux de bénir le Seigneur. J'aimerais que chacun de nous élève sa voix pendant quelques instants. On peut chanter ce que ça me fait toujours beaucoup de bien. Quand on réalise l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu. Oh, merci. Alléluia. Sois concentré parce que tout geste, toute action dans la présence de Dieu a son importance. Merci. Oh merci Jésus. Ton amour m'entoure. Je le vois chaque jour. Aujourd'hui c'est le premier jour du mois de décembre. Le dernier mois de l'année. Je vois ton amour, tes bontés. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je veux Sans instrument, que chacun exprime cela. Comment gloire toute l'église. Chante avec ton cœur. Oh merci Jésus. Ah oui, Jésus. Oh, regarde ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Un instant. S'il vous plaît. Je sais que vous êtes très gradé. Je sais que vous avez beaucoup d'autorité. Mais je dis simplement, est-ce que tu peux te tenir debout et célébrer le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Mais peut-être que vous ne connaissez pas la valeur d'être enfant de Dieu. Quand on est dans l'église, il y a des choses. Je me rappelle un des jours à Kinshasa. Nous sommes dans une grande réunion. Tout le monde sort. Ministre dit Désiré ne sort pas. On n'entre jamais avec les téléphones. La secrétaire entre et puis elle dit, fermez la porte, ne nous dérangez pas. Tu sens le cœur battre trois fois. Elle quitte là où elle était à son bureau. Elle se met à genoux. Elle dit, on m'a dit que tu es pasteur. Est-ce que tu peux prier pour moi? Elle met comme ça. Frère, tu réalises. Les gens ont besoin de Dieu. Mais quand on vient dans l'église, il y en a qui supposent que découvrez ce que Dieu est. C'est très important. Je suis dans la joie aujourd'hui. C'est le premier jour du mois de décembre, le dernier mois de l'année. Le premier jour de décembre tombe un lundi. Et le premier jour de la semaine tombe lundi le premier. Il y a un mystère. Alléluia. Amen. Il faut saisir ces choses. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc il y a des choses aujourd'hui qui vont bouger ta vie. Alléluia. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour les hommes de Dieu. Oh, je suis vraiment touché. Hier, il avait un travail à Paris. Il quitte, il termine le travail à Paris, il va directement à l'aéroport. Donc, depuis qu'il s'est réveillé hier dimanche le matin, il termine, il va à l'aéroport. Il prend le vol jusqu'à 10. De à 10 à Lubumbashi. De Lubumbashi à Likasi. Et de Likasi vient l'église pour prêcher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À un moment donné, je me pose des questions, je dis, le même ciel ici, vous pensez que nous tous nous enterrons de la même façon? Vous les sacrifices que les gens font pour l'œuvre de Dieu. Je vais le présenter après. Il est très bien habillé avec un costume de Mouli Matran. Il m'a dit que c'est sa femme qui a fait ça pour la circonstance. Oh, c'est merveilleux. Hey. Que Dieu bénisse notre maman. Ok, je présente d'abord les gens qui l'accompagnent. Le pasteur Christophe Kalenga. Il peut s'élever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer l'encourager? Il vient de Paris avec lui. Il est pasteur de l'église de Paris. C'est un chantre de l'Éternel. Il avait gagné le prix Majabu. Je pense pendant qu'il est là, on va s'organiser. Hein, avec les gens de Majabu, on va s'organiser. Maman Gloria, on va s'arranger. Voilà, on va chanter. Peut-être pas aujourd'hui, mais voilà. Demain ou après-demain, on va s'organiser. Il n'est pas seul. Il est accompagné du frère David Hippolyte Bolingo. Est-ce qu'on peut aussi acclamer le Seigneur? Lui, il est venu de Kinshasa directement pour rejoindre l'équipe. Bien-aimé, il y a des gens qui ont déjà compris beaucoup de choses. Et c'est important dans la vie de comprendre ça. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si la technique est avec moi. Je voulais qu'on donne le portrait de l'homme de Dieu qu'on m'aide à recevoir et présenter l'homme de Dieu avant que nous puissions le recevoir à la chair. La technique est avec moi. Mouli Matran, édition 2025, va connaître la participation de l'apôtre Michael Hippolyte Fellow. L'apôtre Michael Hippolyte Fellow, visionnaire prophète, des églises centre auteur, des réveils, visionnaire des églises World, centre des réveils à Paris en France. World. Il est également fondateur de International Prayer Camp ainsi que fondateur des Hippolyte Fellow Ministry. Détenteur d'un master en économie et gestion des entreprises à l'école internationale des managers de l'apôtre Michael Hippolyte Fellow. L'apôtre Michael Hippolyte Paris en France. Il est également fondateur de International Prayer Hippolyte Fellow Ministries. Détenteur d'un master en économie et gestion des entreprises à l'école internationale de management de Paris. Il est également détenteur d'un diplôme en Christian Theological University de Lagos au Nigeria. Marié à maman Ruth Hippolyte, l'apôtre Michael s'identifie comme diplomate ecclésiastique, amoureux de la parole et des œuvres de puissance et dans les prophétiques. Quand quelqu'un jeûne, par exemple, 21 jours, il ne le fait pas par symbolique. Déjà, de manière scientifique, c'est prouvé que 21 jours est le seuil minimal pour entrer dans une autre adaptation. Et nageant dans les œuvres de puissance pendant 21 jours d'affilée, ton subconscient. Moulima 30 édition 2025 va connaître la participation de l'apôtre Michael. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Aidez-moi avec le micro. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? C'est le premier jour du mois. C'est le premier jour du dernier mois. Depuis janvier, il nous a gardés. En février, il nous a protégés. En mars, il nous a épargnés des accidents. En avril, il nous a donné des bonnes nouvelles. En mai, il nous a connectés à des bonnes personnes. Au mois de juin, il nous a donné de quoi manger. Au mois de juillet, il nous a prouvé sa fidélité. Au mois d'août, il nous a gardés dans sa présence. Au mois de septembre, il a amené l'enfantement. Au mois d'octobre, il a fait des grandes choses. Au mois de novembre, il a commencé avec nous Moulima 30. Au mois de décembre, il est en train d'atterrir avec nous. Et celui qui atterrit avec nous en 2025, et le même qui va décoller avec nous en 2026, il n'a jamais menti. C'est que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Pendant que tu l'acclames, tu penses aux 12 mois passés. Ceux qui sont morts ne sont pas mieux que nous, ni encore moins que nous. On l'acclame pour lui dire merci Seigneur. On l'acclame pour lui dire tu as été bon et fidèle. On l'acclame pour lui dire merci des choses qu'on n'a pas reçues. On l'acclame aussi pour lui dire dans les 30 jours qui restent, quelque chose peut se faire. J'aimerais mieux lui dire quelque chose va se faire. Tu es en train d'acclamer pour lui dire dans 30 jours tu me béniras, dans 30 jours tu me visiteras, dans 30 jours tu vas ouvrir des brèches. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Amen. Répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Décembre est un mois béni. Décembre est un mois béni. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Les portes de décembre. Le porte de décembre. S'ouvre devant moi. S'ouvre devant moi. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Les 30 jours qui restent. Le 30 jours qui restent. Ces 30 jours de bénédiction. Le 30 jours de bénédiction. Ces 30 jours de faveur. Le 30 jours de faveur. Ces 30 jours d'accélération. Le 30 jours d'accélération. accélération. Décembre, écoute les sons de ma voix. Décembre, écoute les sons de ma voix. Tu me donnes tes meilleurs fruits. Et me donne tes meilleurs fruits. Tu me donnes tes meilleurs fruits. Tu me donnes tes meilleurs fruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. La mort ne sera pas mon partage. La mort ne sera pas mon partage. La sécheresse ne sera pas mon partage. La sécheresse ne sera pas mon partage. Le manque ne sera pas mon partage. Le manque ne sera pas mon partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de je Jésus. Je prophétise. Décembre est favorisé. Décembre favorisé. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Un ciel ouvert. Un ciel ouvert. En ce mois de décembre. En ce mois de décembre. Parce que le premier jour du mois. Parce que le premier jour du mois. Me trouve dans sa présence. Me trouve dans sa présence. Les derniers jours du mois. Le dernier jour du mois. Me trouvera dans sa présence. Me trouvera dans sa présence. Et les bénéfices de sa présence. Et le bénéfice de sa présence. Les vertus de sa présence. Le vertu de sa présence. S'attache à ma maison. S'attache à ma maison. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Une vitesse comme jamais. Une vitesse dont jamais. Décembre me donne. Décembre me donne. Ce que les 11 mois passés ne m'ont pas donné. Ce que les 11 mois passés ne m'ont pas donné. Commence à frapper les mains et à déclarer. Dans prophétise. Arabada hakapa. Alléluia. Antadagama siteleba. Alléluia. Foi de glahita paramaya kapeneba. Alléluia. Manda rababa bosete. Alléluia. Foi de clentaria de rabaya. Alléluia. Rapano fagina hasetem. Jésus. Manta di bai de canta mille hasiata. Alors. L'ostegiata mari di ganta vede glo. Alléluia. Le sapano vede gla. Oh mahata malia sane. La hasia kapara mahase vede ba. Lumtalia dobe radia santa gabara baraba sateleba. Tu fais bien de prier. La femme tu fais bien de déclarer. La femme tu fais bien de prophétiser sur ta vie. Alléluia. Ah. Seigneur, merci pour ta grâce. Bon accent, merci pour cette nouvelle semaine. Accent rempli de grâce et de faveur. Rempli de gloire et de témoignages. Rempli de visitation et d'étonnement. Qu'il puisse te plaire de nous faire du bien dans tous les domaines de nos vies. Chaque jour soit des journées assoiffées et d'une soif croissante de gloire en gloire. Bénis chaque vie qui seront exposées à cette grâce et permet que leur vie aille dans une autre dimension. Que les anges que je trouvais ici et tous ceux qui m'ont accompagné, qu'aucun d'eux ne soit inactif. Libère ta grâce au besoin de ton peuple et à la mesure de ta grâce. Dans le nom de Jésus. Merci pour décembre. Nous le possédons par la foi et nous allons vivre des grandes choses. Tu es Dieu et tu ne mens jamais. Ce que tu avais promis, tu seras en train de le réaliser tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Aide-moi à saluer trois personnes. Donne-leur une parole de bénédiction pour ce moment. Si tu ne connais pas le prénom, tu peux demander le prénom. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous sommes la famille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Ma joie, elle est grande. Je dirais très grande. D'être ici à Likasi. Par les desseins de Dieu. Parce que si ça dépendait que de mes calculs, peut-être que je ne serais pas ici. C'est le programme de Dieu qui s'est imposé. Il a réuni des conditions pour que nous puissions être ici. Et je suis très béni. Je suis reconnaissant à Dieu de nous avoir déplacés en faisant un très bon voyage. J'aimerais bénir Dieu aussi pour ma femme qui n'a pas pu être là en dernière minute, mais qui vous passe ses salutations. Je crois que prochainement, quand je viendrai, elle ne manquera pas d'être là. Ma joie, elle est grande, mais elle aurait été encore beaucoup plus grande si elle était là. Et c'est une grande bénédiction pour ma vie. Avec elle, nous avons trois enfants. Et Dieu nous fait grâce de servir Dieu ensemble. Et je suis très reconnaissant à Dieu pour la vie des parents de la maison. Je cite ici le bishop Désiré, ainsi que maman Elvire. Papa Désiré et maman Elvire. Pour la qualité de leur cœur. Lorsqu'on est un homme spirituel, on n'a pas besoin de rencontrer quelqu'un pour savoir qui il est réellement. Depuis plusieurs semaines, je prie pour cette activité. Plus je priais, mon cœur s'empressait d'être là. Et j'ai compris dans mon esprit que je suis en train d'aller dans une bonne adresse. Oui, tu fais bien d'acclamer. Église source féconde, sentons-nous privilégiés. Je m'inclus dedans parce que je suis de l'église dorénavant. Sentons-nous privilégiés d'avoir ces dons que Dieu nous a donnés, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et qui sont prêts à beaucoup pour Dieu. Arrivé ici, je peux sentir l'excellence du royaume. Et tout ce qui plaît au cœur de Dieu, de donner à Dieu le meilleur. Je suis un passionné de l'excellence. Et quand je vois une touche d'excellence, je peux comprendre que c'est quelqu'un qui siège au conseil de Dieu. Dieu n'aime pas la médiocrité. Dieu aime des belles choses. Voilà pourquoi lui-même il a pris Moïse. Il a dit pour la construction du tabernacle, je veux que tu voies. Et fais les choses avec excellence. Et quand quelqu'un fait les choses avec excellence, certainement il a été transporté pour amener la volonté de Dieu sur la terre. Je suis très béni, très privilégié de l'amour et de l'adoption. Et je crois que Dieu a eu pitié de nous de nous avoir connectés en cette saison bien précise. Est-ce que l'église peut m'aider à honorer les parents de la maison? Ta manière de le faire peut déterminer l'étendue de ta bénédiction. Alléluia. Il y a des choses qui s'obtiennent dans la prière. Il y a des choses qui s'obtiennent dans l'offrande. Mais il y a aussi des choses qui s'obtiennent dans l'honneur. Est-ce que tu peux m'aider à honorer les parents de la maison? Fais-le bien, tiens-toi debout. Honore le Seigneur pour leur vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On ne pêche pas. Et donner à Dieu multiples actions de grâce pour tout ce qu'ils sont. Et c'est une manière pour nous de leur dire que nous les aimons. Non, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Alléluia. Alléluia. Merci encore une fois. Accentité na. Alléluia. Alléluia. Cette semaine est une semaine bénie. Je disais, cette semaine est une semaine bénie. Oh, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Je bénis le Seigneur aussi pour tous les éminents serviteurs de Dieu qui ont travaillé et qui vont travailler. Que le Seigneur se souvienne pleinement d'eux. qu'au travers de leur grâce, qu'un grand travail se fasse ici. Alléluia. Amen. Cette semaine, je disais que c'est une semaine bénie. Le thème de ce grand programme, j'ai vu qu'on l'a mentionné là, va avec la force que tu as. C'est un thème très magistral, mais aussi un thème qui nous bénit. Pendant quelques minutes, je veux parler de la part de Dieu. Et ensuite, nous allons entrer dans un temps de prière. C'est le premier jour du mois. Nous devons prier pour posséder ce mois et laisser des empreintes pour le reste de jour. Supposons que le texte de base, nous le connaissons. Je veux nous amener à lire un autre texte qui va constituer le sous-thème de mon exposé. Romains 11, au 16e verset. Si quelqu'un peut nous aider à la lecture, mon frère qui est en train d'interpréter. Est-ce que vous connaissez une dame qu'on appelle Aimé? Aimé. Aimé, oui. C'est qui? C'est ma soeur. Elle est où? Elle est à Lumbashi. Je suis en train de voir une grande porte s'ouvrir pour une dame qui s'appelle Aimé dans votre famille. Amen, prophète. La porte qui est en train de s'ouvrir, c'est une porte professionnelle. Amen. Je suis en train de voir un grand combat dans ce domaine. Et le combat que je suis en train de voir, c'est un combat dans le domaine professionnel. Je vois des gens finir des études mais avoir du mal à entrer dans ce pourquoi ils ont fini. Alors que vous êtes en train d'interpréter, le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il est en train de bénir Aimé dans ce domaine professionnel. Amen, papa. À cause de toi, que Dieu se souvienne de ta famille. À cause de ton service, que Dieu se souvienne de ta famille. Un bon amen. J'ai dit à cause de ton service que Dieu se souvienne de ta famille. La maman qui élève la main derrière en orange, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Fifi? Hein? Fifi? C'est qui? Alors que vous avez levé les mains, j'ai vu le nom de Fifi, c'est qui? Et je suis en train de voir des médicaments autour de vous. Et il y a comme un ange qui a amené quelque chose pour incendier des médicaments autour de vous. Le Seigneur me dit à Fifi, alors que vous avez juste levé les mains, dit à Fifi que je suis en train de donner la victoire dans le domaine de la santé. Je suis en train de voir dans mon esprit un nom de famille, mais qui a comme quatre lettres. Ça vous dit quelque chose? Quatre lettres. Vous vous appelez comment? C'est quoi votre nom de famille? Il y a quatre lettres. N-K-A-J. Je suis en train de voir dans cette famille comme un hôtel, mais qui est rattaché à la maladie. Alors que vous avez élevé les mains, j'ai vu votre nom s'écrire, j'ai vu des médicaments autour de vous, et je peux comprendre qu'il y a un plan ou il y a eu un plan pour faire en sorte que vous preniez des médicaments de manière récurrente. Et alors que je suis en train de parler, j'ai vu un ange en train de brûler ces médicaments. Durant cette semaine, que Dieu vous donne une grande victoire. Durant cette semaine, le Dieu qui éloigne la maladie, je prophétise qu'il éloigne aussi la sécheresse. Je prophétise qu'il éloigne aussi les manques. Dans les combats du mariage, qui vous donne la victoire, qui donne la victoire à votre famille, là où les saisons étaient difficiles, que Dieu vous démarque. Dans le nom puissant de Jésus, je prophétise pour quelqu'un ce soir, en cette semaine, en cette première semaine, que Dieu vient te démarquer. Je dis que Dieu vient te démarquer. Je suis en train de t'annoncer de la part de Dieu, le Dieu qui guérit. guérit de la maladie. C'est le même qui donne du travail. C'est le même qui stabilise dans le mariage. C'est le même qui ouvre des portes. C'est le même qui connecte. C'est le même qui élève. Ainsi, cette semaine, ça sera la semaine de la guérison. Ça sera la semaine de l'élévation. Ça sera la semaine de la percée. Ça sera la semaine de la victoire. Je suis en train de déclarer que Dieu te donne ce que personne n'a pu te donner. Que cette première semaine soit une semaine de grandes choses, soit une semaine de visitation. Un simple amen peut libérer de choses. C'est une semaine prophétique. Une simple offrande peut ouvrir les portes. Elle a juste élevé les mains et Dieu l'a vu. Alors que tu seras en train d'élever les mains, alors que tu seras en train de dire amen, alors que tu seras en train de donner une offrande, que le Seigneur te bénisse. Au fait, quand tu dis amen, tu n'es pas en train de faire un protocole. Amen veut dire ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, je veux le vivre et je veux le voir. Ainsi, je prophétise à nouveau. Mon frère qui donne l'offrande, l'offrande que vous venez de donner est en train d'aller tout droit dans la famille Kumwimba. Je ne sais pas si vous avez un lien avec cette famille. C'est vous-même Kumwimba. Quand vous avez déposé l'offrande, j'ai vu le nom de Kumwimba sortir. Et Dieu m'a dit prophétise sur sa vie. Ainsi me parle Dieu. Vous n'êtes pas un petit monsieur. Vous êtes un homme de la grandeur. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un que Dieu va élever pour faire de lui un roi, mais aussi un sacrificateur. La sacrificature vous appelle, mais la royauté aussi vous réclame. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois des galons dans vos épaules. Et j'entends le Seigneur me dire, c'est un chef dans sa famille. Je suis en train de vous voir devant. Et j'ai vu beaucoup de personnes derrière vous. Et le Seigneur est en train de me dire, dans cette famille Kumwimba, s'il y a des hommes que je vais élever, il fait partie des hommes que je vais élever. Parce que j'ai vu beaucoup de gens derrière vous. Je suis en train de voir une liste des gens. Et je vous vois être une grande bénédiction. Christelle, c'est qui? Christelle, c'est qui? Christelle, c'est votre petite soeur. Je la vois derrière vous. Nelly, c'est qui? Nelly, c'est votre grande soeur. Lucien, c'est qui? C'est ton petit frère. Roy, c'est qui? Je vois une liste des gens derrière vous. Et Dieu me dit, il sera une grande bénédiction. Et alors que vous êtes en train de dire amen, j'ai vu un écran s'ouvrir à ma gauche. Et le Seigneur est en train de me dire, je dépose dans ses mains plusieurs clés. Les clés symbolisent des activités. Vous n'êtes pas un homme qui est appelé à faire plusieurs choses. À faire une seule chose. Vous serez en train de faire beaucoup de choses. Et je vois le Seigneur vous ouvrir plusieurs portes. Parce que les clés que Dieu vous donne, il les dépose dans ses mains. Le frère qui porte les lunettes, alors que vous êtes en train de dire amen, je vois 14 derrière vous. 14. Je vois 14. Des frères en veste, je vois 14 derrière vous. J'ai vu un cycle s'arrêter et un cycle commencer. 14 vous dit quelque chose? Est-ce que 14 vous dit quelque chose? Le frère en veste. Je suis en train de voir, je suis en train de me retrouver en février. Et j'ai vu le 14 février. Et Dieu est en train de me dire, à partir du 14 février, il y a un cycle qui s'arrête et il y a un cycle qui commence. Mon frère, alors que je voyais cet écran s'ouvrir, Dieu m'a dit, je l'appelle à faire beaucoup de choses. Et j'ai vu plusieurs activités. J'ai vu premièrement quelque chose qui est lié au sport. Le Seigneur va vous ouvrir des portes pour organiser des événements sportifs. Mais je n'ai pas seulement vu ça. J'ai aussi vu à côté de ça comme quelque chose lié à la sécurité. L'ange me rapproche de cela. Et je vois c'est écrit abeille sécurité. Ça vous dit quelque chose? Hein? Ça vous dit quelque chose? Et je n'ai pas seulement vu ça. Et je vous ai vu, vous êtes comme en train de donner des clés à des gens. Et le Seigneur est en train de me dire, les clés qu'il est en train de donner, c'est les clés de deux choses. Parce que j'ai vu les clés de voiture, mais j'ai aussi vu les clés de parcelles. Et je peux comprendre que ces deux domaines, ce sont des domaines où Dieu va vous élever. Vous avez un lien avec ces quatre choses. Dieu va le faire et il va le faire en abondance. Dieu m'a dit, il va vous étonner. Il va vous étonner. Dans les saisons qui sont en train de venir, attendez-vous à beaucoup d'argent dans vos mains. Mon frère qui dit amen là-bas, je suis en train de voir le nom de Mwanza. Mwanza c'est qui? Mwanza c'est vous. Si Mwanza c'est vous, vous connaissez Nicolas. Nicolas c'est qui? Nicolas c'est vous. Avancez, je vais vous toucher. Parce que je suis en train de voir dans vos mains. Alléluia. Malé prada akaparia somene pla. Foi de clanta pere de rasata la baya. Dieu m'a dit, je dois juste vous toucher. Parce que je suis en train de voir dans vos mains. Mais je vois comme des clous dans vos mains. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a comme des opportunités, mais ce sont des opportunités qui viennent et qui partent. Touche simplement ses mains, afin que la grâce financière et la grâce dans les affaires qui accompagne ma vie s'attache à ta vie. Et à partir de ce soir, que ta vie prenne une autre vitesse. Parce que alors que je vais te tenir la main, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Parce que j'ai vu des courriers à côté, comme des lettres. Quand je vois quand c'est écrit des offres, mais quand je vois ces offres, il y a le nom de Nicolas Mwanza Lotuka, c'est votre nom. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de vous bénir. Et cette saison s'ouvre devant vous. Alléluia. La saison a changé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu change la saison de quelqu'un ce soir. J'ai dit que Dieu change la saison de quelqu'un ce soir. J'ai dit que Dieu change la saison ce soir. Amoulima, Dieu ne peut pas rester muet. Amoulima, Dieu parle et agit. Amoulima, Dieu parle et fait des grandes choses. Amoulima, Dieu parle et accorde la vitesse. Amoulima, Dieu parle et accorde le travail. Amoulima, Dieu parle et les portes du mariage s'ouvrent. Je suis venu cette semaine pour te servir. Dieu m'envoie cette semaine pour te bénir. Et je prie que tu sois béni cette semaine. Qu'aucune bénédiction de cette semaine ne te rate. Qu'aucune bénédiction de cette semaine ne rate à ta vie. Je dis, Dieu va te bénir. Même si c'est une maladie qui date des années. Mon Jésus guérit les cancers. Mon Jésus guérit les sida. Jésus prend de rien et fait asseoir avec les grands. Et c'est ce qu'il va faire en cette semaine. Tu me donnes un amen puissance à sa place à toi. Ton amen n'ouvre pas le ciel. Tu me donnes un amen de gloire à sa place à toi. Oh, dis avec moi, cette semaine, c'est ma semaine. Alléluia. Alléluia. Jésus est glorifié ce soir. Acclame le Seigneur. Romains 11, le 16e verset. Si quelqu'un peut nous aider à la lecture. Je sens une très forte présence de Dieu ici. Je disais que je sens une forte présence de Dieu ici. Romains 11, le 16e verset. Quelqu'un peut m'aider à la lecture. Romains 11, le 16e verset, nous lisons au nom de Jésus. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la... Continue. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Les branches les sont aussi. Je nous propose un sous-thème ce soir. Que j'intitule porteur de la semence divine. Et avec moi, porteur de la semence divine. Le grand thème de ce programme Se fait avec la force que tu as. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il est important de savoir, lorsque Dieu veut manifester sa gloire dans une famille, dans une église, dans une nation, Dieu ne passe pas par tout le monde. Dieu ne se sert pas de tout le monde afin de pouvoir accomplir ses desseins. L'économie de Dieu n'est pas une économie qui aime perdre. Dieu n'aime pas faire des choses à perte. Lorsque Dieu fait quelque chose, il doit s'assurer que cela apporte bénéfice. Et les actions de Dieu dans les nations, les actions de Dieu à l'église, les actions de Dieu dans la famille, s'associent toujours aux lois de Dieu ou encore au principe de Dieu. Et il y a un principe spirituel de Dieu qu'on appelle le principe de premier-né ou encore le principe de prémisse. Ce principe, comme l'apôtre Paul pouvait nous l'exposer dans le livre de Romains, à ce que si le premier sont mis à part, les restes les sont aussi. Ce qui nous amène à déduire, quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu passe par cette loi des prémices afin de choisir un premier pour la cause de la masse. Et le premier que Dieu aime utiliser, c'est ce qu'on appelle le premier-né. Pourquoi le premier-né? À cause de l'étoile de premier-né. Dans le monde spirituel, il existe ce qu'on appelle des monnaies. Tout comme dans le monde physique. Dans le monde physique, la plus grande monnaie, c'est le dinar koweït. Dans le monde spirituel, la plus grande monnaie, c'est le sang. Voilà pourquoi quand Jésus est venu sauver l'humanité, il n'a pas voulu défendre une thèse, mais il a voulu nous racheter avec une plus grande monnaie afin qu'au-delà de cette monnaie aucune autre personne ne te rachète. Et après les sangs, il y a aussi une autre monnaie qu'on appelle l'étoile. Et l'étoile de premier-né, c'est une étoile qui a une grande ampleur, parce que c'est aussi une étoile qu'on appelle l'étoile à six branches. L'étoile de premier-né à la prééminence, l'étoile de premier-né à la préséance, l'étoile de premier-né à la double portion, l'étoile de premier-né à la prêtrice, l'étoile de premier-né à la protection. Mais l'étoile de premier-né a aussi la préséance. Quelqu'un qui est premier-né, c'est quelqu'un dont l'étoile sera toujours combattue. Tout simplement parce qu'il y a une loi rattachée au premier-né. Et quand vous regardez l'histoire de premier-né dans la Bible, vous allez voir que les premier-né ont été les plus combattus. Abel, premier-né d'Adam. Ismaël, premier-né d'Abraham. Premier-né d'Abraham. Ismaël, Ibrahim. Esaü, premier-né d'Isaac. Ruben, premier-né de Jacob. Abel, Jacob. Onam, premier-né de Judas. Onam, Ashida. Manassé, premier-né de Joseph. Manassé, la vie de ces premiers-nés n'ont jamais été simple. Na katika tamaisha, à cause de cette étoile de premier-né. Quelqu'un me dira, mais apôtre, je ne suis pas premier-né. Sina, peut-être que ton message ne me concerne pas. Il existe deux types de premier-nés. Il y a le premier-né par droit de naissance. Ceux qui naissent en premier. Ceux qui portent les noms en premier. C'est le premier enfant de la famille. C'est le premier enfant de la lignée. Mais il existe aussi un autre type de premier-né. On appelle le premier-né par droit d'onction. C'est un autre type de personne. Il n'est pas le premier de sa famille, mais les regards de Dieu pour les desseins de sa famille décide de se poser sur lui. Il n'est pas sorti en premier, mais l'élection de Dieu décide de le sortir en premier. Il n'a pas été le premier à voir le nom de cette famille, mais il est le premier à amener cette famille au sommet. Ce sont des premiers nés par droit d'onction. Ce sont des types de personnes. Il a devant lui des grands frères. Il a devant lui des grandes sœurs. Mais quand il regarde sa vie, il sent que c'est lui le grand frère. Parce que le classement de Dieu a changé de manière prophétique à cause de la loi de premier né. Ainsi, je veux bénir deux types de personnes. Si tu es premier-né par droit de naissance, ton père n'a pas pu protéger ton étoile. Je suis en train de te bénir ce soir. Je suis en train de décréter et de déclarer. Tu es sorti en premier pour sauver les autres. Tu es sorti en premier pour bénir les autres. Mais je veux aussi bénir une deuxième catégorie des hommes. Tu n'es pas le premier de ta famille, mais le regard de Dieu s'est posé sur toi. Tu n'es pas le premier de ta famille, mais Dieu a décidé de te choisir. Je suis en train de te bénir. Je décrète et je déclare. La grâce de Dieu tombe sur toi. Ton amen n'arrive pas à l'autel. Je suis en train de te bénir. La grâce de Dieu tombe sur toi. Si ton premier-né n'a pas pu amener la famille au sommet, toi tu amèneras la famille au sommet. Si ton premier-né Ayama Asakalabaya n'a pas pu amener la famille dans la gloire, toi tu amèneras la famille dans la gloire. Si ton premier-né n'a pas pu mettre la famille à l'abri, toi tu mettras la famille à l'abri. Si ton premier-né n'a pas pu amener le nom de la famille au palais, j'ai dit toi tu le feras. J'ai dit toi tu le feras. Qui sont le premier-né par droit d'onction? Joseph était le 11e de sa famille, mais il était le premier-né par droit d'onction. David était le 7e de sa famille, mais il était le premier-né par droit d'onction. Jacob était le 2e de sa famille, mais il était le premier-né par droit d'onction. Isaac était le 2e de sa famille, mais il est devenu le premier-né par droit d'onction. Je suis en train de te bénir. Tu n'es peut-être pas le premier, mais c'est toi qui vas faire entrer. J'ai dit c'est toi qui vas faire entrer. Donne-moi un amen puissant. Alléluia. Alléluia. Dans le texte de Juges, le texte parle de quelqu'un qu'on appelle Gédéon. Lorsque la Bible est en train de décrire Gédéon, c'est lui-même qui est en train de parler de lui. Quand Dieu décide de poser son regard sur lui, Gédéon commence à exposer sa situation. Gédéon va dire à Dieu, ma famille est une famille pauvre. Ma famille est une famille délaissée. Et moi, celui que tu appelles, je suis le plus petit de ma maison. C'est que Gédéon ne sait pas. Les regards de Dieu ne regardent pas les plus petits. Parce que la Bible déclare que le plus petit deviendra un millier. Je suis en train de dire à un Gédéon, c'est vrai que tu es le plus petit. C'est vrai que tu es le dernier. Mais lorsque Dieu pose son regard sur toi, il ne le pose pas par rapport à toi. Il est pose par rapport à ses desseins. Sois avec la force que tu as, ce n'est pas une parole de motivation. Sois avec la force que tu as, c'est une parole identique. identité. Dieu voulait dire à Gédéon, tu as une autre identité. Tu n'as peut-être jamais entendu parler de ça, mais je te dis ces choses parce que tu as une autre identité. Une autre question peut se poser. D'où provenait la force de Gédéon? Il est en train de pleurer, il est en train de s'inquiéter, mais Dieu lui dit, tu as une force. La même chose que Dieu dit à Gédéon, il a mieux dit à Jérémie. Gédéon a dit à Dieu qu'il était dans une famille méprisée, mais Jérémie avait dit à Dieu qu'il était encore un enfant. La réponse que Dieu a donnée à Jérémie, c'est la même réponse qui s'accorde à Gédéon. Dieu dira à Jérémie, avant que tu viennes dans le ventre, tu ne t'appelais pas encore Jérémie, tu ne t'appelais pas encore Gédéon. Moi, l'Éternel, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà établi. Pour établir quelqu'un, il doit y avoir une cérémonie. Dieu voulait dire à Jérémie, avant que tu naisses, il y avait déjà une cérémonie. Une cérémonie d'établissement. Si avant la naissance, tu peux établir un prophète, avant la naissance, tu peux établir un mariage. Avant la naissance, tu peux établir une promotion. Avant la naissance, tu peux établir de l'ascension. Je ne sais pas à qui je prophétise ici. Va avec la force que tu as. Et en train de sous-entendre, avant que tu saches qui tu es, moi je t'avais choisi. La force de Gédéon, ce n'était pas une force physique. La force de Gédéon, ce n'était pas une force psychologique. La force de Gédéon tire sa source dans son appel, tire sa source dans les desseins de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta force ne sera pas en fonction de ton expérience. Ta force ne sera pas en fonction de ce que tu sais. Saül méprise David en disant, David, tu ne peux pas combattre Goliath. C'est un guerrier chevronné. David est en train de dire à Saül, ma force ne provient pas de la guerre. J'ai une rencontre avec Dieu. C'est une expérience avec Dieu. C'est une destinée prophétique. C'est là où ma force se puise. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'auras pas de diplôme en sciences politiques, mais c'est toi qu'on choisira. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'auras pas de diplôme en management. Je dis que c'est toi qu'on choisira. Les premiers-nés par droit d'onction, ce sont les premiers-nés qui veulent créer la brèche. Les premiers-nés par droit d'onction, ce sont les premiers-nés qui veulent amener la rupture. La Bible déclare, Tamar accoucha des jumeaux. Le jour où Tamar est en train d'accoucher, la Bible déclare, le premier-né est sorti. Quand le premier-né a sorti la main, la sage-femme qui était là a décidé de mettre un ruban rouge afin de pouvoir identifier qui était le premier. Le premier retourne dans le ventre. Et la Bible déclare bizarrement, celui qui sort en premier, ce n'est pas celui qui a fait les rubans rouges. C'est un autre qui sort, qu'on appelle Pérez. Or, Pérez en hébreu a trois significations. Pérez veut dire rupture. Parce que les premiers nés par droit d'onction, c'est ceux qui viennent amener la rupture. Voilà pourquoi quand Dieu parle à Gédéon, il dit à Gédéon, tu battras Madian. Tu viendras mettre la rupture. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je vois un premier né par droit d'onction mettre la rupture des hôtels démoniaques, mettre la rupture de la sécheresse dans la famille. Je ne sais pas si je suis à Source Féconde ou je suis encore à Paris, mais je prophétise pour quelqu'un. C'est toi qui mettras la rupture. Je dis, c'est toi qui mettras la rupture. Tu vas arrêter un cycle. Mais Pérez ne veut pas seulement dire rupture. Pérez veut aussi dire bresse. Parce que les premiers nés par droit d'onction, c'est eux qui ouvrent la brèche. Et si Kabamisu Subakotate, c'est toi qui vas entrer. Et si Kabamisu Subakomate, je vois un homme de la brèche ici. Je vois une femme de la brèche ici. Quelqu'un qui va ouvrir une brèche. Une brèche pour sa famille. Si dans ta famille il n'y avait pas de mariage, je viens prophétiser. C'est toi qui ouvres la brèche. Ce qui bat tout babo takate, c'est toi qui ouvres la brèche. Donne-moi un amen. Mais Pérez veut aussi dire percer. Parce qu'il est possible d'ouvrir une brèche, mais de ne pas percer. Les Pérez amènent la percée. Les Pérez battent les records. Les Tchoki Mouta comme un millionnaire. Si tu es une brèche, tu vas devenir millionnaire. J'ai dit, tu vas devenir millionnaire. Mais lorsqu'on parle de Pérez, Pérez représente aussi le profil qui surprend tout le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es le profil qui surprendra tout le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es le profil qui surprend tout le monde. Pérez représente aussi des personnes improbables que Dieu choisit. Les hommes ont choisi les premiers, mais Dieu a choisi l'improbable. Je suis en train de dire à quelqu'un, Likasi peut sortir un chef d'État. Dès Likasi peut sortir un ministre national. Tu ne me donnes pas un bon amen. Mais Pérez symbolise aussi la grâce. Parce que cet enfant est du signe d'une lignée d'inceste. C'est-à-dire qu'il n'était pas qualifié. Parce que Pérez est le fruit de l'inceste. Mais si vous ne connaissez pas Pérez, Pérez est le descendant de Judas. Judas et Pérez est l'ancêtre de David. David est l'ancêtre de Jésus. C'est qu'à partir de Pérez, une grâce a été faite. Pour qu'une situation improbable, pour qu'une situation choisie par Dieu sorte une lignée royale. Je suis en train de bénir une femme ce soir. Dans tes seins et dans tes entrailles, il y a des rois et des reines. J'ai dit dans ton sang et dans tes entrailles, il y a des rois et des reines. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen de gloire. Je prophétise pour quelqu'un. Là où le soin était improbable, ton soin sera probable. Va avec la force que tu as. Tu battras Madian comme un seul homme. Parce que tu es le premier-né. Nous retournons dans Romains. Si les prémices sont mises à part, les restes les sont aussi. Dieu voulait dire à Gédéon, ta victoire, c'est la victoire du peuple. Je viens prophétiser pour quelqu'un ce soir. Ta victoire, c'est la victoire du peuple. Ton salut, c'est le salut du peuple. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est toi qui gagneras. Je dis, c'est toi qui gagneras. Mais on cherchera le nom de ton père. David a gagné à Soko. Mais on a cherché son nom de famille. Comme un seul homme, tu battras Madian. Tu vas battre Madian. Tu battras Madian pour ta famille. Tu battras Madian pour derrière toi. Il y a une race des gens qui ne vivent pas pour eux-mêmes. Il y a des gens qui vivent pour eux. La Bible déclare, un jour à la croix, Jésus rencontre un brigand. Le brigand parle à Jésus. Il dit, fais-moi grâce. Jésus dit au brigand, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Ce brigand a reçu le salut, mais il n'a sauvé personne. Ce brigand a reçu le salut, mais il n'a évangélisé personne. Il n'a aidé personne. Mais il y avait un autre homme qui n'était pas à la croix, qui était au bas de la croix, qu'on appelle les gens. Lui, c'est la race des gens qui ne vivent pas pour eux-mêmes. Ils vivent pour des nations. Il vit pour descendre derrière lui. Il vit pour écrire Apocalypse. Il vit pour annoncer l'État. Il vit pour laisser l'héritage. Je parle à quelqu'un ce soir. Derrière toi, il y a 100. Derrière toi, il y a 200. Derrière toi, il y a 300. Il y a des choses que tu as mis en toi qui va faire tomber Madian. Il y a une force qui est en toi qui va faire tomber les barrières. Il y a des choses qui sont en toi qui ne datent pas de maintenant. J'ai dit qui ne datent pas de maintenant. Quand Dieu parlait à Jérémie pour lui dire avant que tu viennes dans les ventres de ta mère, Dieu voulait dire à Jérémie, toi et moi on a une histoire qui date de longtemps. Ce n'est pas ton âge qui va freiner ces desseins. Si tu dis que tu es encore un enfant, à partir d'aujourd'hui, je vais susciter des prophètes et des enfants. Je viens annoncer à quelqu'un de la part de Dieu, parce que derrière toi il y a du monde, parce que derrière toi il y a une grande famille. Madian finira par tomber en cette semaine de Moulima 30. J'ai dit Madian finira par tomber. J'ai dit Madian finira par tomber. J'ai dit Madian finira par tomber. Ton salut, c'est le salut de sang. Ton salut, c'est le salut de sang. Batumosus, il ne faut pas bon en avis. Pour ceux qui m'a bongi, belé ma bongi. Batumosus, il ne faut pas mata. Pour ceux qui m'a mati, belé ma mati. Batumosus, il faut pas kendeli bosso. Ceux qui m'a keli bosso, belé ma keli bosso. Batumosus, il faut en ma pambo la bango. Ceux qui m'a pambo ami. Je viens prophétiser pour quelqu'un. Je dis, je viens prophétiser. Je viens prophétiser. La Bible déclare. Dieu dit à Gédéon, tu battras Madian avant les combats. Dieu t'annonce ta position. Obundina nous t'aime au long de ça. Obundina nous t'aime au long de ça. Je viens bénir un victoire. Je dis ta victoire est déjà garantie. Je dis ta victoire est déjà garantie. En cette fin d'année, Dieu va les trancher. Voilà pourquoi la Bible déclare. C'est David qui parle. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu chopes la table dont David parle. Ce n'est pas une table à manger. Dans les époques féodales, lorsqu'il y avait un combat, pour trancher un combat, il n'y avait pas encore de podium. Il y avait la table. On mettait la table et on désignait les gagnants. Quand David est en train de dire, tu dresses devant moi une table, David était en train de dire, tu dresses une table pour trancher entre moi et mes ennemis. C'est qui a gagné? Je viens pour prophétiser pour quelqu'un en cette fin d'année. Il y a une table que Dieu dresse. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je vois quelqu'un ici dans cette église dont Dieu dresse une table afin de trancher. Je prophétise pour quelqu'un. Dieu va trancher ton sort. Je dis Dieu va trancher ton sort. Dieu va trancher ton sort. S'il y a un temps pour tout, il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a aussi un temps pour célébrer. Je vois quelqu'un célébrer. J'ai dit 31 décembre, Oyo. Au conflit, Nakole Kabatou Nyonso. 31 décembre, Oyo. Au conflit, célébrer Kole Kabatou Nyonso. Même si nous sommes en décembre, la Bible déclare, c'est Job qui parle. Je sais que mon rédempteur. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. S'il ne s'élève pas le premier, s'il ne s'élève pas le deuxième, s'il ne s'élève pas le dixième, s'il ne s'élève pas le vingtième, s'il ne s'élève pas le centième, il s'élèvera le dernier. Je dis, il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier. Gédéon est en train de pleurer. Gédéon ne s'assent pas. Zambé en zombo le soir à Zalaka. Madian vous a englouti. Mais Dieu m'envoie dire un Gédéon. À cause de la prédestination. La Bible déclare à ceux qui les a appelés. Il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Je vois un Seigneur être glorifié cette semaine. J'ai dit, tu vas battre Mathieu comme un seul homme. Tu vas battre Mathieu comme un seul homme. Tu vas battre Mathieu comme un seul homme. Tu vas battre Mathieu comme un seul homme. Je viens annoncer un Gédéon ce soir. Dans ce film, c'est toi l'acteur principal. La particularité de l'acteur principal, Atarabindi na maïsan, ça sent où est le sauvetage. Tant que 2025 est sur les terres, tu es un premier né par toi d'onction. Cette histoire ne finira pas comme ça. Je dis, cette histoire ne finira pas comme ça. Le Madian qui t'a dévoré sera aussi dévoré. Je dis, le Madian qui t'a dévoré sera aussi dévoré. En toi il y a des choses. Je dis, en toi il y a des choses. Je dis, en toi il y a des choses. Gédéon se plaignait parce qu'il ne les voyait pas. Gédéon se plaignait parce qu'il ne les touchait pas. Ata au moni ma kasi angote. Yeba ke ma kasi ezali. Ata au moni mbongo angote. Yeba ke mbongo ezali. Ata au moni libala angote. Je vois un mariage glorieux ici. Je vois un mariage de gloire ici. Nous sommes en train de célébrer Awa. Ainsi me parle Dieu. 2026, c'est l'année des mariages. Carapane à Sandelebaya. 2026, c'est l'année de l'accomplissement. C'est l'année des mariages. Et c'est l'année de l'accès. Je prie pour un premier né par droit d'onction. Je dis, je prie pour un premier né par droit d'onction. Zambe a fortifié. Que Dieu te donne la force de ne pas abandonner, de ne pas reculer. Il y a un type de personne dont le regard de Dieu est sur eux. Je viens dire à quelqu'un ce soir, Zambazotalelayo. Il y a des choses que Dieu a mis en toi qui ne doivent pas dormir. Il y a des choses que Dieu a mis en toi qui ne doivent pas reculer. L'auteur du livre des Hébreux pouvait dire, nous ne sommes pas de ceux qui reculent, mais nous sommes de ceux qui avancent. Je viens annoncer à quelqu'un cette semaine, tu es un premier né par droit d'onction. L'investissement de Dieu se pose sur toi. Dieu n'est pas un investisseur qui aime perdre. La Bible est en train de dire, l'Éternel des armées ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de son appel. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Donnez-moi une bouteille d'eau rapidement, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, je sens la grâce. Dans le domaine industriel, lorsque on veut lancer un produit, il y a une phase qu'on appelle la phase de test. Avant que Canadienne Pure puisse produire Canadienne Pure, il y a eu cette phase qu'on appelle la phase de test. Dans la phase de test, le producteur de cette eau a vérifié beaucoup de choses. Que si on tourne l'eau ne va pas se renverser. adversaires. Si on dépose l'eau, l'eau gardera l'équilibre de se tenir debout. Si on les jette en haut, l'eau ne va pas se disperser. C'est quand il a vu que tout est réuni, il a dit maintenant je l'envoie à la vente. Je viens dire à quelqu'un dans l'usine de Dieu, avant que Dieu t'envoie sur la terre, il y a eu une phase de test. J'ai dit, il y a une phase de test. Voilà pourquoi, au moment où Dieu t'envoie, il ne retire plus ses dons, il ne retire plus son appel, parce que Nzamba Yebi, produit on a tindi, et qu'au Simba, produit on a tient à l'ikashi, à qu'on réussir, qu'on fit de Kobo Maete, qu'on sortir de Kobo Maete, Pampiak à Kongo Kobo Maete, chômage de Kobo Maete, à qu'on vivre paix à Kolonga. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant que tu viennes, Nzamba Testakayo. J'ai dit Nzamba Testakayo. Voilà pourquoi David dans le psaume 139, il dit je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et tous les jours qui m'étaient destinés sont inscrits dans ton livre. Je viens dire à quelqu'un, dans 2026 est écrit, dans 2027 est écrit, dans 2030 est écrit, comme un seul homme, tu battras Madian. Que Dieu bénisse sa parole. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Je vois un premier né par droit d'onction. Que Dieu est en train de restaurer ce soir. Je vois un premier né par droit d'aînesse. Que Dieu est en train de relever ce soir. Dieu m'a dit cette nuit, cette première nuit, ce n'est pas seulement la première nuit de la semaine, mais c'est aussi la première nuit du mois. Il y a un vent de restauration. Des gens que Dieu va restaurer. Il y a longtemps que Dieu t'avait appelé, mais ton potentiel n'était pas encore libéré. Ce soir, je viens comme un prophète de Dieu afin de t'annoncer que ton potentiel sera libéré. Là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Parle là-bas, Satan. Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est mon amour. Il y a quelqu'un ici qui ne vit pas pour lui. Il y a quelqu'un ici qui ne vit pas que pour lui. Il y a 100 derrière lui. Il y a 200 derrière lui. Il y a 300 derrière lui. Il y a quelqu'un ici. Satisfait. lève tes mains vers le ciel. Ferme tes yeux, attends-toi à recevoir quelque chose de Dieu. Il y a un vent de restauration et de relèvement qui va souffler ce soir. Plusieurs qui étaient par terre, Dieu les amène à se relever. Plusieurs qui étaient debout, leur force s'amplifie. L'onction de Dieu passe ici afin d'amener la démarcation, afin d'amener la démarcation, afin d'amener la démarcation. Tu n'es pas le premier de ta famille, mais il y a une huile qui tombe sur toi. Il y a une huile qui tombe sur toi. Élève tes mains vers le ciel. Les santos paramasatelebaya. Ça tombe maintenant sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ta vie prend une autre vitesse. Ta vie prend une autre vitesse. Tu démarres cette semaine avec une force nouvelle. Je vais prier en esprit et la puissance de Dieu va tomber sur plusieurs. Reparaba satarabaya. Mettere parua satabarabaya. Lei ne pa na somenene maya. Noi ne paridia sote. De là où tu es, reçois cela. Que le feu de Dieu t'embrasse. Que le feu de Dieu t'embrasse. Que le feu de Dieu t'embrasse. Répète après moi, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, où es-moi ce soir? Où es-moi ce soir? Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Où es-moi ce soir? Où es-moi ce soir? D'une huile fraîche. Huile fraîche. Où es-moi ce soir? Où es-moi ce soir? D'une huile de victoire. Que ton onction tombe sur moi. Tombe sur moi. Tombe sur moi. Tombe sur moi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Que l'onction de Dieu tombe sur toi. Que l'onction de Dieu tombe sur toi. Que l'onction de Dieu tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Lève tes mains et ferme tes yeux, je prie. Que quelque chose arrive dans ta vie. Je prie ce soir que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Que les évidences et les vertus de la puissance s'attache à ta vie maintenant. qu'il y ait un avant et un après. Au nom puissant de Jésus, de partout où tu es, ce qui te retenait au plus bas, sois brisé. Que des chaînes se brisent. Que des chaînes se brisent. Prie simplement en esprit. Karoko satarabaya. Mai de praso ketarabababababa. Mai de prado sakatamaya. Non sabra divantali abradala basate. Une nouvelle énergie. Une nouvelle vitesse. Corazada prado sakatamaya. Lei de prado sakabradi nasoneleba. Raclai de mentali rabala basate. Que des saisons sens. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vient changer de saisons. Oui, la saison vient de changer. Ce n'est plus la saison de voir Madian détruit, mais c'est la saison où Madian va se voir être détruit. En cette semaine, Madian se verra être détruit. En cette semaine, Madian se verra être écrasé. Ça ne sera pas la main d'un homme, mais ça sera la puissance de Dieu qui brise des jougs. Ça sera la puissance de Dieu qui écrase des autels. Ça sera la puissance de Dieu qui change de destinée. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Quelle vitesse de démarrage de la semaine. Alléluia. Dis à celui qui n'est pas venu aujourd'hui parce que c'est lundi, il était fatigué hier. On a pris une vitesse. Qu'il vienne, Dieu va accélérer sa vie. Dieu va accélérer ses projets. Dieu va accélérer ses promesses. Dieu va accélérer ce qui est attaché à lui. Il faut savoir saisir quand Dieu travaille. Il faut savoir saisir quand Dieu parle. Alléluia. Nous donnons nos offrandes rapidement. La chorale nous accompagne. Et après, nous donnons le communiqué pour nous séparer. Tout ce qui dit. Seigneur, nous bénissons ces offrandes de ton peuple pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Demain, nous nous retrouvons ici à 16h30. Pour qu'on trouve de 17h15 à 17h30 qu'on donne la parole à l'homme de Dieu. Je sens qu'il y a des choses que Dieu veut faire et qu'on ait suffisamment de temps. Nous sommes toujours dans notre attitude de prière et nous nous retrouvons mardi. Que Dieu vous fortifie. Et ce n'est que la deuxième semaine. Et c'est le mois de décembre qui a commencé. Alors fortifions-nous pour gagner des choses et des choses que nous allons présenter comme témoignage de ce Moulima 30. Que la grâce de Dieu vous accompagne jusque dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.